Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Albanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission en différé. On se retrouvera d'ailleurs le week-end prochain pour une nouvelle émission en direct. Rendez-vous donc le dimanche 13 octobre. On a dans cette nouvelle émission pas mal de nouveautés qui viennent un peu des quatre coins du monde. Canon & Fiber, Vestige, Emasculator, Pneuma Hagion, Kibosh, etc., etc. Puis on aura le temps de se présenter tout ça tout au long de l'émission de ce soir. Une doublette d'ouverture, parce qu'on va pas perdre de temps plus avant, et on va s'envoyer les premiers noms de ce soir. Canon & Fiber, tout d'abord. Tout récent projet venu d'Allemagne, on est sur du Melodic Black Death, assez épique. C'est le second album studio qui vient de sortir. Au passage, une signature chez Century Media. Un One Man Band qui a vu le jour en 2020. Un album, plusieurs EP ont vu le jour. Et là, maintenant, on est sur un groupe en entier, je dirais, sur ce second album. Une dizaine de morceaux, avec ça, on ajoute intro et interlude. 50 minutes de leur recette déjà bien identifiable, qui centre ses récits sur divers épisodes de la Première Guerre mondiale, notamment perçus du côté allemand. C'est intense, dramatique, et voilà, il y a cette touche historique narrative qui ajoute à la grandeur et l'efficacité des titres de Canon & Fiber. Volbrigade, ensuite, là on est sur les vétérans du crusty hardcore punk D-beat qui nous vient donc de Suède. 8ème effort studio en 30 ans d'existence, 5 ans se sont écoulés depuis le dernier album studio. Petit changement de label, de Southern Lord, ils sont passés chez Metal Blade. Musicalement, il n'y a aucun changement, c'est toujours aussi furax et efficace. 12 compos qui dépassent assez peu rarement les 3 minutes. C'est du crusty-core classique, parfaitement bien exécuté. Et c'est exactement ce qu'on attendait d'un album de Volbrigade. Au niveau des morceaux choisis et des albums, Canon & Fiber, Mansion Mühle, extrait d'album dit Urcatastrophe, c'est sorti tout récemment, fin septembre, Volbrigade, Nailed Bomb, extrait de l'album Life, Knife, Death, et tout ça, c'est déjà dispo. Et on démarre en musique. Pickel, Hauben, Fällen gleich, Schwämmen in das Frankenreich. Byron et Winterfields, c'est la doublette suivante. Pas de nouveauté pour cette doublette à venir. Byron, donc, groupe qui nous vient de Brooklyn, qui sera là son cinquième effort studio en 15 ans d'existence. On est toujours sur du death avant-gardiste, expérimental et très jazzy. C'est bien torturé, un peu compliqué à écouter sur la durée. Voilà, ça va jamais au plus simple, hein. C'est même parfois assez inconfortable dans les séquences musicales. 10 titres pour 40 minutes, bien massives à digérer. Faut se cramponner comme il faut, mais le résultat est toujours riche, surprenant et appréciable. Winterfields dans un registre bien différent, le groupe de Epic Black qui nous vient d'Angleterre, c'est le 8e album studio qui vient de sortir, également en une quinzaine d'années d'existence. Depuis 2008, donc, un album était sorti tous les 2 ans, jusqu'en 2020, le dernier, donc. Et puis là, 4 ans nous séparent du 7e et du 8e effort studio. Recette toujours aussi classique et efficace. Un black atmosphérique, épique, qui n'est pas sans rappeler le Cascadian américain. Donc voilà, Winterfields, ultra quali, cette nouvelle sortie studio. Au niveau de la sélection musicale, Pyron, le titre The Greatest City on Earth, extrait d'album Exhaust, Winterfields, Upon This Shore, extrait d'album The Imperious Horizon. Et c'est parti tout de suite. We'll be right back. On continue à dérouler tranquillement l'émission de ce soir avec la doublette à venir Temple Guard et une autre nouveauté, Emasculator. Temple Guard tout d'abord, récente formation anglaise de Metallic Hardcore. Ils viennent de sortir un petit EP 5 titres, le premier album était sorti en 2022. Le groupe va puiser ses inspirations du côté de All Out War, Regression et autres Day of Suffering. Un album bien evil hardcore, bien crado. Et ma foi, ce petit Morbid Sacrament porte très bien son nom, parce que c'est plutôt l'ambiance globale qui se dégage de cette EP. Emasculator, ensuite, récente formation de Brutal Death qui nous vient des US, un quatuor, c'est ça, 100% féminin, un premier EP a vu le jour après un court EP, limite une démo qui a été sortie en 2022, une sortie, excusez du peu, via New Standard Elite, 7 compos pour une vingtaine de minutes de musique, ça tartine du début à la fin, ça groove, ça pilonne en alternance, un vrai bonheur, une recette classique, solidement cependant équilibrée et exécutée. Au niveau du line-up, on retrouve l'impressionnante Malika Sunmaraturci, qui est passée par Unfathomable Renation, Abnormality, etc., qui est la musicienne la plus connue de la formation. Et en termes de registre vocal, c'est juste impressionnant ce qu'elle peut nous sortir, Malika. Au niveau des morceaux choisis, Temple Guard, le titre Apostate, Emasculator, In Resplendent Terror, extrait de l'EP The Disfigured and the Divine. Puis bien sûr, juste en se fiant sur le nom du groupe, on vous laisse deviner quels sont les sujets principaux abordés par le groupe. C'est parti. Die. Là, avec la doublette précédente et toutes les doublettes à venir, on est sur une doublette, une nouveauté. Juste avant ça, Emasculator. Et là, tout de suite, doublette à venir. Donc, Agrippnie, formation allemande. Et Eriot, voilà, seconde nouveauté, troisième nouveauté pardon, dans l'émission de ce soir. Agrippnie tout d'abord, donc groupe de post-black qui nous vient d'Allemagne. Du black allemand de qualité ce soir, en veux-tu, en voilà. 50 minutes d'une recette toujours aussi riche, soignée, travaillée, expressive, riche en émotions, c'est chanté en allemand, tout comme Cannon & Fieber, ce qui rajoute à l'aspect viscéral et encore plus personnel des compos. C'est Kali, c'est Agrippnie, tant veut, y en a. Eriot, ensuite encore une autre récente formation anglaise, moins de 10 ans d'activité, on est entre le post-hardcore, le metalcore et une grosse vibe sludgy. Quand même quelques petits relents indus. Le groupe vient de sortir son second album studio pardon, avec un petit up au passage avec une signature chez Century Media. 10 titres assez riches en sonorités, en émotions diverses, une recette colérique, viscérale, avec des moments plus contemplatifs, mélancoliques. C'est aussi très riche vocalement. Le bassiste et une des deux guitaristes se partagent les lignes vocales, tantôt criard, tantôt gras, abrasif, voire même clean et planant. Au niveau des titres choisis, on va s'écouter immédiatement le titre de Agrippnie Untersand, extrait de l'album Urg. Eriot, ensuite le morceau Siege Lord, extrait de l'album Devoured by the Mouth of Hell. Et c'est parti tout de suite. Yeah. la doublette suivante, une habile glissade, puisqu'on va s'écouter un titre de Father Buffold, le groupe de Death Doom qui nous vient d'Atlanta aux US, qui est passé par Tours, il y a un peu plus d'une semaine. Ils étaient en concert au Cana, une soirée organisée par Catharsis. Malheureusement, diverses obligations ne m'ont pas permis de me rendre à ce concert. En revanche, l'ami Sylvain y était, et je pense qu'il manquera pas d'en glisser un petit mot pour la prochaine émission en direct. Father Buffold, donc fouler la planche, les planches du Canadian, actif depuis bientôt 20 ans, une jolie discographie au compteur des ricains, 5 albums, 4 EP, et là, ce nouvel EP comprend 4 titres inédits, 3 compos inédites et une cover de Morbid Angel. Ensuite, avec Father Buffold, voilà, ils étaient en Touraine il n'y a pas très longtemps. On va donc attaquer l'aspect française avec le tout premier groupe dans l'aspect hexagonal. Une formation avec un petit peu de Touraine dedans, Vestige. C'est le premier album studio qui vient de voir le jour via Season of Mist, excusez du peu. Le groupe nous propose une musique très très riche, ça va du post-hardcore atmosphérique avec des relents un peu shoegaze et des éléments plutôt metal moderne. Un espèce de crossover entre Alceste et Deftones, un espèce de post-metal mélancolique. On signale la présence d'ailleurs de Neige sur un des titres en guest, et la partie tourangelle de Vestige, c'est Sieur Quentin Regnault derrière la batterie. Voilà, personnellement, j'ai vraiment adoré ce premier effort studio de Vestige. On va s'écouter le morceau de Father Buffold, Impenitent Face, extrait de l'EP Immaculate Pain, Vestige, Automne Partie 2, en duo donc avec Neige de Alceste, et l'album s'intitule Yanis, il est déjà dispo chez Season of Mist. C'est parti. Yeah. Thank you.